on finit par se repentir d'avoir été injuste. Votre œil dort, mais la victime est éveillée et vous maudit. Mifune qui a belle voix, de tous les temps, Mote Mayala Nubayaka et fleur d'amour. Guy Digital, Moziki Hollywood, Tania Bayaka, Matata Bayaka, Teddy Voka garçon référence. Inondation. Et quand il est établissement, Lisa c'est ça déjà prêt, y'a pas l'imine n'a yo. Breken Bayaka. Et quand t'as mis au gouverneur, t'as retourné n'a y'a bonne, loco la lisa. Si, comme aïe. Y'en a comme prisonnier, n'a t'y bayaka. Malheur est comme garde n'a y'a. Jean-Claude qui m'a dit. Promesse au pessa qui a des espoirs, jouer la bébé. Blandi Lokondo. Mais y'a pas mon akama, kambo, posa wapio. N'a y'a wana comme y'a surchangé. Bon, moi, n'a pas le poil à pointer, conserve, espiré. Marc de Pau sur la reine. Ma vie, sa ponda, estino bilele, adada. Sami Maoula. Eben Kimendi, Chantal Lofoankenda. Merci Koyago Belisha. Rafi Poupé Coxy Noir. Rachel Mosolongo. Eva Mouari. La beauté la moins zambé dans sangue et ange gardien. N'a même le cambo n'a la justice pour la longue. Motazo Sambi Samba de Rivananga. Fortuné ma samba. Avocanga na suye. Il est Milolo papa na Kesli. Il est Pelanga Sheraton qui lui ont. Brice Bangui. Chez les Vonuno. José Di Creno Bayakaye. Lionette Matobo. Odilo Mundele. Grosse affaire Lumière de Lyon. Giscard Longobo le pétrolier, Elvis Chouka, Kimu Yangi Serge Lumwanga, Sheda Love, Jissa Kapai, Britney Kapai, Mackenzie Kapai. J'ai l'impression la nouba ya consumante mananga pamba, ya comme ma kango de gauche à droite. Alain Kapai, l'établissement ya ba matériaux ya love, et comme il déséquilibre la nouba ya ka, période ya malamou ya moyo marchandise te kamaka sans faute. Akona kote kanini mifune Michel Yafeta. Akona kote kanini papi John Makaya. Kapai na kote kanini Fifi Mbuka. Adrien Kiala. Calendrier sale soso respecte. Grâce coulé. Discours à flatterie signalenga. Peine de mort. Abien Louela. Costa couleur Olopinini papana Chilio. Guy Bazin Nicole Amarula. Obibenga yake na bolingo na maimai kumole. Eben Kimbeni, Ambrose Obaka, Christian Boverie, Pablo Mabiala, Yvette Mbia Zanotti, Rida Ikanda. Soupira Matundwe, Yadie Bisengo, Dems Mosombo. Francis Lutumba, Kelly Tumbo, Cédric Mabeka. La salle qui est siégée parmi les grands, les seigneurs, ce salle qui est circulée. Bon à propos, à mon avis, Odilo Mabouya. Le régime est bon, moi, n'est bon, l'imam. Pasteur Lando Massoudi. Je suis comme un contact toilette, puis je suis comme un talent miroir. Boulet de Cotina Love. Jibiru Wembo. Moi, tu sais, toi, rien, salle qui, mon papa, à mon imaté. Oh amour à personne ailleurs. Chibika Lala. Elle est kebele. La nous